Quelle yori de amenglaji de nevelo da nabadi di ne ma layo de atu jara ha mengla au mien ne ne de nevelo So Zia-Rose, that today is the auspicious successful ceremony for the completion of the 15 days Vipassana retreat for yogis. Nous célébrons aujourd'hui la fin de la retraite de 15 jours dirigée par le vénérable Sayadaw Unanujota à Damaransi en juillet 2021. Et il faut savoir que ce n'est pas facile de s'inscrire à une retraite comme celle-ci. Il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas été dans la possibilité de participer physiquement à cette retraite, mais qui se sont joints par Internet. Cela prouve qu'ils ont de l'intérêt pour la pratique. Mais il y a aussi des méditants qui sont venus en présentiel, ce qui prouve leur grand intérêt pour la pratique également. Sayadaw voudrait donner un conseil aux méditants. Il est très important de maintenir la pratique lorsqu'on rentre chez soi. La pratique au quotidien est même plus importante que de participer de temps à autre à une retraite intensive. Lorsque donc vous serez rentré à la maison, n'oubliez pas la pratique. Essayez de lui réserver un peu de temps chaque jour. Continuez à vous entraîner. Au début de la retraite, Sayadaw a expliqué en quoi consistent les quatre méditations protectrices. Vous devrez également pratiquer ces méditations lorsque vous serez rentré chez vous. Elles vous seront très utiles dans la vie de tous les jours. Vous souvenez-vous encore de ces quatre méditations protectrices? Buddhanusati, le souvenir des qualités du Bouddha. Metta Bhavana, la pratique de l'amour bienveillant. Asubha Bhavana, la contemplation des 32 parties du corps sous leur aspect répugnant. Et enfin Maranasati, le souvenir de la mort. Lorsque vous serez rentré chez vous, vous devez leur consacrer une minute à chacune. Vous pouvez également les pratiquer lorsque vous êtes en activité, comme par exemple si vous préparez un repas à la cuisine, que vous êtes au bureau, que vous avez un temps mort, vous pouvez les pratiquer. Mais vous pouvez également le faire le matin. Vous leur consacrez alors une minute à chacune et cela suffit pour la journée. Lorsque vous êtes allongé sur votre lit le matin, juste avant de vous lever, vous pouvez aussi leur consacrer une minute en posture allongée. Vous pratiquez les vertus du Bouddha, par exemple, en choisissant une ou deux vertus, en vous concentrant sur la signification des mots. Vous pouvez également pratiquer les trois autres méditations protectrices en posture allongée avant de vous lever. Et vous pouvez même poursuivre avec Vipassana s'il n'est pas encore l'heure de se lever. Vous pouvez pratiquer l'attention au mouvement de l'abdomen en posture allongée également. Et pendant la journée, en posture allongée, vous pouvez également pratiquer ces méditations. En résumé, essayez de méditer ne fût-ce que quelques minutes par jour. Vous pouvez aller, si vous avez le temps, jusqu'à 1 heure par jour. Au cours de la journée, essayez d'être toujours attentif à ce que vous faites. Vous allez ainsi maintenir votre pratique. Il y a 24 heures dans la journée et 1 heure qui sera consacrée à la pratique. Tout au long de la journée, vous serez amené à faire toutes sortes de choses. Essayez de pratiquer l'attention à ce moment-là. Soyez toujours conscient de ce que vous faites. Faites toutes vos activités avec attention. Soyez toujours présent à ce que vous faites. Si vous êtes attentif dans la vie de tous les jours, cela va certainement vous aider à mieux pratiquer lorsque vous vous inscrirez à une retraite intensive. Si vous vous inscrivez à une retraite de 15 jours, c'est comme si vous en faisiez une d'un mois. Pratiquer au quotidien permet donc non seulement de maintenir la pratique, mais de continuer à progresser. Lorsque vous serez rentré chez vous, essayez donc de pratiquer de façon formelle, une heure si possible, et pratiquez dans les activités quotidiennes. Soyez toujours conscient de ce que vous faites à chaque instant, quelle que soit l'activité qui vous occupe. Votre compréhension va ainsi tout naturellement se développer. Vous verrez par exemple, au moment où vous observez les mouvements de l'abdomen, de la raideur, des tensions, du mouvement. Tout cela, c'est la manifestation de l'élément air. Vous allez pouvoir expérimenter très facilement l'élément air. Et lorsque votre concentration aura atteint un bon niveau, vous serez en mesure d'expérimenter les trois caractéristiques générales des phénomènes, c'est-à-dire anicca, l'impermanence, dukkha, l'insatisfaction, et anatta, le non-soi. Lorsque votre kanika samadhi se sera donc développé et que vous serez devenu capable de maintenir votre attention pendant toute la durée du soulèvement et toute la durée de l'abaissement, vous verrez que ces mouvements ont chaque fois un début et qu'ils se dissolvent à la fin. Ils apparaissent et disparaissent. Vous verrez ainsi les caractéristiques générales des phénomènes anicca, dukkha et anatta. Vous comprenez d'abord anicca, ces mouvements apparaissent et se dissolvent. Vous réalisez ensuite qu'à cause de ces constantes apparitions et disparitions, vous expérimentez une sensation d'inconfort, de désagrément, c'est dukkha. Vous essayez de modifier tout cela, mais vous n'y arrivez pas, c'est impossible, c'est anatta, le non-soi. Votre sagesse, votre compréhension se développe, et ceci par expérience personnelle. Mais ce n'est pas facile d'arriver à cette compréhension de la réalité, il faudra faire un très gros effort. Le Bouddha a toujours dit qu'il était possible d'atteindre le but, mais qu'il faut pour cela fournir l'effort. Nous pouvons donc tous atteindre le but, pourvu que nous fournissions l'effort. Et si nous pouvons atteindre le but, c'est parce que nous nous trouvons dans les conditions pour pouvoir le faire. Se trouver dans les conditions pour pouvoir le faire veut dire que le méditant devra disposer des six rares opportunités. La première de ces rares opportunités, c'est de se trouver dans une période de Bouddha. Une période au cours de laquelle un Bouddha est apparu. C'est la première rare opportunité. La présence d'un bon professeur en la personne d'un disciple du Bouddha est la deuxième rare opportunité. Sayadaw voudrait ajouter une petite parenthèse, il faut également la présence d'un bon traducteur. La troisième rare opportunité consiste à avoir repris naissance dans un plan où il sera possible d'entendre les enseignements du Bouddha. Si vous avez repris naissance dans un plan animal par exemple, vous ne pourrez pas bénéficier des enseignements du Bouddha. Si vous avez repris naissance dans les plans célestes supérieurs, que vous êtes devenu un être qui ne dispose que d'un esprit mais qui n'a pas de corps, il vous sera impossible également d'entendre les enseignements du Bouddha, puisque vous n'avez pas d'oreille, vous n'avez pas d'yeux, vous n'avez pas de corps physique. Il faut que vous ayez repris naissance dans un plan où l'écoute des enseignements du Bouddha est possible. La quatrième rare opportunité consiste à disposer des six organes sensoriels en bon état de fonctionnement. Nous devons pouvoir entendre les enseignements et de façon générale, il faut que les organes sensoriels soient en place. La cinquième opportunité, c'est d'être normalement intelligent. Dans ce contexte, cela veut dire qu'on sache faire la différence entre le bien et le mal. Et la sixième rare opportunité, c'est d'avoir spontanément le désir de faire le bien. Ceci veut dire qu'étant des personnes avec une intelligence normale, nous faisons la différence entre ce qui est positif et ce qui est négatif, et nous choisissons délibérément de faire des kusala, des actions positives plutôt que des akusala. Disposer de ces six rares opportunités est excellent, car elles sont nécessaires pour pouvoir entendre et pratiquer les enseignements du Bouddha. Sayadaw voudrait expliciter un peu la notion de désir. Le désir n'est pas toujours négatif. Il y a par exemple ici des personnes qui se sont présentées comme volontaires, bénévoles dans la cuisine. Ils ont fait des actions positives pour permettre aux méditants de pratiquer paisiblement. Ils étaient poussés par un désir sain, le désir de faire des kusala, une action positive. C'est un désir sain. Disposer donc des six rares opportunités pour pouvoir pratiquer le noble Dhamma du Bouddha est très rare et très précieux. Vous qui êtes ici ou en ligne, vous disposez de ces rares opportunités, vous pouvez donc atteindre le but. Ne perdez donc pas votre temps. Développez votre pratique jusqu'au jour où vous réaliserez Magga le chemin, Phala le fruit et Nibbana. Nous devons nous mettre à la pratique et persévérer, car la mort est inévitable et une fois mort, il sera trop tard. Sayadaw vous encourage donc à pratiquer lorsque vous serez rentré chez vous. Essayez de faire 1 heure en posture formelle chaque jour, essayez de développer votre compréhension, soyez toujours attentif dans vos activités. Il vous souhaite de comprendre clairement le Dhamma et d'atteindre la libération. Allô. Non, y a à Gonogo ya danama, shinira, shinibivelo, atomiri la divilo. Alors. Merci.